22-4, accusation orale, prononciation, leçon U. Écoutez et répétez. Ça, c'est le plus dur. Votre maman n'est pas venue ? Je suis sûre que tu vas me faire un infarctus. Alors c'est entendu. Vous en voulez une ? Qu'est-ce que vous avez bu ? Vous avez vu ce monsieur ? Il est descendu derrière moi. Je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler.